peux pas nier qu'il y a une victimisation permanente qui fait que tu ne peux pas jamais en fait mettre un mec sous les verrous de manière ferme, c'est-à-dire 30 ans dans sa gueule parce qu'il a violé, parce qu'il a tué, sans que tu aies une association à la con où en fait les familles des victimes qui viennent chialer dans la télé, genre « Ah non mais mon fils il est très gentil ».